Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. N'allez pas croire que parce que Bachelard aime la poésie et accorde une place centrale à la respiration et à la rêverie, il serait un vieil ours déconnecté du monde et dégoûté par le travail scientifique de la raison. C'est exactement l'inverse. Bachelard est aussi l'auteur du Nouvel Esprit Scientifique, qui réfléchit sur le déterminisme et sur la notion de révolution en science. Et si le feu l'intéresse, c'est précisément parce que pendant longtemps, celui-ci a résisté à l'explication scientifique. L'action bénéfique de la science, même dans son usage, est certainement bien plus considérable que les ravages destructeurs. Et il ne faut pas que vous oubliez que la science nous guérit, que la science nous aide à vivre d'une manière vraiment humaine, que la science nous donne la conquête des forces de la nature. Vous voudriez donc revenir à des temps où précisément l'électricité ne travaillait pas pour nous. Je ne veux pas me servir naturellement des avantages tout à fait matériels. Je n'ai pas le mythe de l'utilitarisme. Alors après l'espace, la rêverie et l'air, voici ce matin une réflexion sur la puissance du feu entre miroir de l'homme et obstacle épistémologique. Commençons par convier à notre table tous les personnages inflammables et enflammés que sont Prométhée, Empédocle et le Phénix. Bonjour Vincent Bontemps. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Est-ce que vous sentez la chaleur du feu ? Ah oui, ça fait du bien. Vous la sentez, vous l'entendez, vous l'imaginez ? Parce que chez Bachelard, finalement, les trois sont liés. Exactement, je crois qu'il y a ce grésillement si particulier du feu que Bachelard nous fait ressentir et même goûter. Parce qu'il y a des phrases que j'aime bien où il dit « je mangeais du feu ». Je mangeais son or, son odeur et jusqu'à son pétillement, tandis que la gaufre brûlante craquait sous mes dents. Et on sent toute la poésie des allitérations qui font grésiller jusqu'au goût, ouais. Jusqu'à la saveur du feu. Vous êtes Vincent Bontemps, philosophe des sciences et des techniques, chercheur au CEA, au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous avez dirigé la nouvelle édition critique du Nouvel Esprit Scientifique de Gaston Bachelard, paru cette année. Je le précisais dès le début de cette émission, et commençons avec cet aspect-là. Si les émissions précédentes ont donné à entendre un Bachelard, certes philosophe, mais aussi rêveur, poète, à ses heures psychanalyste aussi, il a écrit quand même une psychanalyse du feu, c'était d'abord un scientifique, il a d'abord une formation scientifique, et la science pour lui est extrêmement importante, et c'est à travers ce prisme-là que l'élément du feu suscite son intérêt en premier lieu. Oui, il faut le rappeler, le feu est présent dès les premiers écrits de Bachelard, notamment dans ce qu'on appelait à l'époque la thèse complémentaire. Les gens faisaient deux thèses, une très longue, une un peu plus courte. Et donc ce texte plus court qui s'appelle « Essai sur l'évolution d'un problème de physique, la propagation de la chaleur dans les solides », eh bien, bon, il traite de la mathématisation par la physique du phénomène de la propagation de la chaleur, tout en rappelant que, alors que ce qu'il appelle un pyromène, c'est-à-dire que le phénomène du feu est très certainement celui qui a retenu en premier lieu l'attention des hommes, juste après, on va dire, la contemplation des étoiles, mais disons que c'est quelque chose qui a fasciné les hommes, en partie en raison de son utilité pour la survie de l'humanité, et l'utilité est rarement bonne conseillère dans l'épistémologie de Bachelard, eh bien, alors que les hommes ont avait, et mal, en fait, c'est parce que les hommes avaient autant d'intérêt, de passion pour le feu qu'ils n'étaient pas capables de le comprendre. Mmh. Et jusqu'au XVIIIe siècle, et l'encyclopédie, hein, qui est écrite par des gens qui sont loin d'être des idiots, hein, Diderot, d'Alembert et les savants qui sont rassemblés autour d'eux, dans l'encyclopédie, on trouve une théorie de la chaleur qui est fausse et qui répète le même préjugé depuis extrêmement longtemps, depuis Aristote. Ce préjugé, c'est le suivant, c'est la chaleur se propage radialement, alors jusque-là c'est exact, et vers le haut, avec un sens privilégié, c'est vers le haut. Et on retrouve toute cette idée que le feu, c'est le corps léger, c'est ce qui va à la périphérie de l'univers, c'est ce qui va vers le haut. Hein. Et Bachelard dit, aucune expérimentation, même interprétée bizarrement, ne pouvait fonder cette croyance. C'était donc qu'elle était fondée sur autre chose. Parce que si vous prenez une barre de métal et que vous placez verticalement, que vous la chauffez par le côté et que vous prenez soin évidemment que la colonne de chaleur ne remonte pas le long de la barre mais transite, eh bien vous verrez que la propagation de la chaleur qu'on observe tout simplement au rougeoiement de la barre de métal, elle est symétrique, elle va aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc aucune expérience, et des expériences très simples, pouvaient infirmer ce... Alors comment se fait-il qu'au XVIIIe siècle encore on est ça? Et donc la flamme est contre-intuitive. La flamme nous donne l'image d'un feu qui va vers le haut, mais c'est pas ça. Eh ben non, parce que justement, nous, on a tous, enfin, et encore plus à l'époque, parce qu'à l'époque, il faut songer que Bachelard est né au XIXe siècle, en 1864. 84, pardon, quand même, faudrait pas le revieillir quand même. 1884. Et donc, Bachelard, il a vécu avec, dans un monde de cheminées. Ouais. Et jusqu'au XXe siècle, en gros, la vie de l'homme dépend de ce foyer, de la cheminée pour son existence. Et quand on voit une cheminée, eh ben, on ne doute pas un seul instant que le feu soit ce qui rayonne de chaleur vers nous, mais qui s'envole vers le ciel. Mm-hmm. Parce que c'est ça la vision de la cheminée. Et je veux dire, donc, l'importance, la force intime de l'image de la cheminée était... donner une telle évidence à la pensée que le feu, c'est quelque chose, la chaleur, c'est quelque chose qui émane du feu radialement et vers le haut, c'était si évident qu'on n'a même pas pensé à tester la chose. Ce qui fait que, voilà, jusqu'à Carnot, jusqu'à la fin, donc début 19e, fin 18e, tout le monde croit cette théorie de la propagation de la chaleur que Bachelard répète en introduction de son premier ouvrage, en disant le commencement de la science, d'une science du feu, en fait, d'une science de la chaleur, d'une science qui cesse de croire que le feu est un élément, qu'il a sa vie propre, eh bien, c'est très, très, très récent, hein. Beaucoup plus récent que la mécanique ou que d'autres travaux, hein. Ça, et le paradoxe n'en est pas un, parce que le feu, justement, c'est un compagnon de la vie en société depuis les origines. Mais alors, comment se fait-il que lorsque Bachelard décide d'écrire sur le feu, c'est en 1938, il propose une psychanalyse du feu. Jusque-là, il avait écrit Le Nouvel Esprit Scientifique, La Dialectique de la Durée, L'Expérience de l'Espace dans la Physique Contemporaine, La Formation de l'Esprit Scientifique dans les années qui précèdent. Et en 1938, la psychanalyse du feu. Comment passe-t-il de la science à la psychanalyse? Eh bien, parce qu'il y a une symétrie. Il y a deux causes. Une cause, on va dire, accidentelle et une cause beaucoup plus profonde. La cause accidentelle, c'est que en 1938, il publie deux livres qui ont, c'est comme ça qu'il le présente, qui présentent une symétrie. Le premier, c'est La Formation de l'Esprit Scientifique, vous venez de le rappeler. Attention, Vincent Bontemps, pardonnez-moi, je vous interromps, parce qu'en fait, quand vous bougez, on entend plus le bruit du micro que votre voix. Alors, je le dis au nom. D'accord, alors je ne bouge plus. Voilà, merci. Mais on vous écoute, on est tout oui. Je ne bouge plus, promis. Non, c'était, j'étais pris dans le balancement du feu, vous voyez. Voilà, une ondulation. Alors, je disais qu'il y a une... Deux livres paraissent en 1938. Il y a deux livres qui paraissent. Et La Formation d'Esprit Scientifique, comme vous le rappelez, paraît donc la même année, en 1938. Et dans ce livre, il étudie précisément ce qui fait obstacle à la formation d'Esprit Scientifique. Et je crois qu'à ce moment-là, il a commencé à rassembler des éléments et il a dû trouver beaucoup d'éléments sur le feu, puisqu'il l'avait déjà étudié et déjà évoqué qu'il y avait un obstacle dès 1927. Donc, il devait en avoir une certaine masse. Et il décide de faire un ouvrage entièrement consacré, précisément aux images du feu. Alors, il y a un chapitre qui correspond exactement à ce que prétend faire le livre. C'est le chapitre qui s'appelle « La chimie du feu, histoire d'un faux problème », dans lequel il évoque les théories donc imaginaires en réalité, mais qui se présentent des théories savantes du feu antérieures à la période où on commence la mathématisation de l'étude de la propagation de la chaleur et qui aboutira à la thermodynamique à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Mais donc, il y a ce chapitre-là qui évoque, et tout le reste, en fait, eh ben, il est pris, c'est la cause profonde cette fois-ci, il est pris par la flamboyance des images du feu, il est séduit et il fait un livre qui montre que ces images ne se développent pas de façon aléatoire ou désordonnée, mais qu'en réalité, elles obéissent à des regroupements, à des complexes. Et Bachelard était l'homme de deux versants. Hein. D'abord, c'est un novateur. Hein. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté. Donc, il aimait, il célébrait la nouveauté scientifique, mais il accueillait aussi la nouveauté de la poésie surréaliste à l'époque. Il accueillait aussi la nouveauté de la psychanalyse. Et ayant lu Freud et d'autres auteurs, il se prend à vouloir apporter une contribution particulière de la psychanalyse. Alors le titre, la psychanalyse du feu, c'est un titre raccourci, condensé. Oui. Hein. Le titre complet aurait dû être « Psychanalyse de la connaissance objective du feu ». Mmh. Et donc, en fait, il présente ça comme une contribution justement à purifier l'esprit en comprenant les images pour pouvoir ensuite penser le feu sur des bases, en fait, la propagation de la chaleur, sur des bases rationnelles, purifier des images qui peuvent l'encombrer, qui peuvent faire obstacle. Mais en même temps, ce qu'il découvre, c'est la logique propre de l'imaginaire. Et donc, il commence à explorer ça en ayant une idée derrière la tête par rapport à la psychanalyse, une idée profonde qui ne sera retrouvée que bien plus tard. C'est que finalement, la psychanalyse, parce qu'elle correspondait à une demande de la psyché humaine d'arrêter la souffrance, s'est intéressée aux complexes malheureux, aux complexes qui font souffrir les êtres humains. Mais il y a certainement, dit-il, des complexes heureux. Et c'est en étudiant ces complexes de la sublimation mm-hmm. qu'il trouve parfois aussi au sein des images du feu. Donc vous voyez, c'est quand même extraordinairement subtil, complexe et généreux, son attitude à ce moment-là, en 1938. Deux livres la même année, déjà, c'est quel philosophe, quel travailleur. Le premier livre que j'ai écrit, au point de vue littéraire, c'est La psychanalyse du feu. Il y a peut-être 25 ans de ça. Il a été réédité plusieurs fois, mais sans modification. Mais quand j'ai écrit ce petit livre, bon, j'étais vraiment dans le domaine que j'abordais, un débutant. Et mes lectures ont continué. Je trouvais bien souvent des images sur le feu qui auraient, mon Dieu, si bien gonflé ce petit livre, que j'ai amassé des notes, je les ai mis, n'est-ce pas, sur des feuilles volantes, puisque je suis un monstre de désordre. Et alors, j'ai dit un dossier qui est d'une épaisseur impossible. Et alors, de temps en temps, je veux le reconstituer sous la forme de la poétique du feu. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Bachelard cette semaine. Confiné avec Bachelard, c'est ce qu'on vous propose. Et aujourd'hui, à partir de ses écrits sur le feu, en compagnie du philosophe Vincent Bontemps, qui est avec nous depuis chez lui, évidemment. Vous venez d'entendre la voix de Bachelard. C'était le 28 novembre 1961 au micro de Roger Pillaudin. Un an avant la mort de Bachelard, donc. Je suis un monstre de désordre, dit-il. Ce qui ne l'a pas empêché de travailler et ici de nous faire part de sa préoccupation que suscite en lui l'image même du feu. Pourquoi le feu en particulier, Vincent Bontemps? Parce que même, je rappelle que même après sa mort, sa fille Suzanne Bachelard va publier des textes, une poétique du phénix en 1988. C'est vraiment le fil directeur de sa pensée, dit-il dans cette archive. Pourquoi le feu plus que les autres éléments? Alors, je vais essayer de répondre. Vous me permettrez déjà de relever, comme vous, cet aveu de son monstrueux désordre. Oui. Et ayant travaillé à la réédition donc du Nouvel Esprit Scientifique là pendant 2 ans, et j'ai contrôlé les notes de Bachelard. Et en fait, il est de notoriété publique que ces notes sont très souvent fautives. Et on l'excuse de la part de Bachelard parce que quand alors ça m'a demandé beaucoup de travail. Fautive, c'est-à-dire à chaque fois. Eh ben, elles indiquent, elles sont insuffisamment précises pour se retrouver, et des fois, les citations ou les références qui sont données sont imprécises, voire erronées. D'accord. Et alors, ça n'enlève rien à la scientificité du projet de Bachelard, parce qu'une fois qu'on a refait, qu'on est rentré dans une démarche labyrinthique qui consiste à retrouver l'édition à laquelle il se référait, de corriger le numéro de page, de rétablir parfois la citation, on se rend compte, en ayant fait ce travail-là, qu'en fait, c'était vraiment nécessaire de le faire parce que ça donne une idée de la justement des raisons pour lesquelles il a sélectionné telle ou telle citation, et même les déformations qu'il lui imprime quelquefois sont signifiantes. Donc ça ne dévalue absolument pas son travail, mais c'est vrai que ça donne D'accord. beaucoup de travail à la personne qui doit faire l'édition. Voilà, je ferme ma parenthèse et passons à votre question. C'est vrai que le feu est quelque chose qui l'accompagne toute sa vie. Je dirais d'abord parce que le feu, c'est en soi l'élément qui est la métaphore d'une existence. Un feu, ça naît, ça croît, ça se consume, ça décline et ça s'éteint. Et évidemment, quand on rêve dans les symboles, comme un phénix, ça peut renaître de ses cendres. Hein, mais d'abord, le feu est la métaphore de l'existence. Il présente ensuite toutes les polarités et la richesse des grandes images et des autres éléments. Il est symbole de vie et de mort, d'amour et de danger. Donc on trouve une richesse qu'on trouve aussi dans les autres grandes images qui structurent et qui peuplent notre imaginaire. Il y a les mêmes polarités. Mais il y a cette scie particulière que c'est un objet de méditation constante pour qui vit et qui vit à son contact. Je le disais, c'est un homme qui est né à la fin du 19e, qui va mourir en 1962, donc qui aura vu la transformation d'une France à sabot en une France à pile atomique, hein, en quelque sorte. Mais lui prendra plaisir toute sa vie à allumer avant l'aube une bougie et à lire de la poésie au petit matin. Et on peut penser que c'est ce style d'expériences qui sont résonantes, qui sont récurrentes, qui le font pour lui le fil de son existence et du lien d'ailleurs avec les générations précédentes. Et donc il y a cette dimension. Il y a des dimensions aussi qui sont liées au fait que on parle quelquefois du baptême du feu. Et il ne faut pas oublier oui. que Bachelard, c'est aussi quelqu'un qui a servi dans les tranchées. Alors Bachelard était employé des postes. Puis en charge d'un central téléphonique, il aurait dû en fait, et il était marié, il aurait dû être soutien de famille et dispensé d'aller au feu, mais comme c'était quelqu'un qui avait de l'ambition et de l'ambition, on va dire par son esprit, par son travail, il s'était mis en disponibilité pour réussir le concours d'ingénieur des postes et télégraphes. Et il était arrivé troisième l'année précédente. Il n'y avait que 2 places. Et donc, il recommence pour arriver premier. Et puis, il n'y aura pas de concours parce que c'est 1914. Et donc, il va se retrouver dans les tranchées. Et je viens de vous dire qu'il travaille dans les postes télégraphes. Donc, si vous avez cette image mentale de quelqu'un qui a un énorme sac sur le dos et qui sort qui dévide derrière lui un fil en marchant là au milieu pendant que les obus tombent pour aller de tranchée en tranchée et rétablir le contact, c'est lui. D'accord. Et donc, notamment, juste à la fin de la guerre, il va, pendant 72 heures d'affilée, sortir comme ça pour établir le contact sous le feu des obus. Et il a la croix de guerre, il est aussi cité à l'ordre de sa division pour l'acte que je viens de signaler. C'est un homme pris dans son siècle et pour qui le feu pouvait symboliser aussi cette absolue destruction de la civilisation. Mmh. Oui, chez lui, le feu est à la fois intime et universel, vecteur de vie, vous l'avez dit, mais aussi de destruction. On y reviendra sur cet aspect destructeur du feu. Mais d'abord, je vous propose juste d'entendre une page de la psychanalyse du feu, où Bachelard dit que le feu est donc intime et universel, on pourrait dire domestique et cosmique. Il y a deux versants, hein, vraiment, à cette philosophie. On insiste cette semaine plus sur le versant domestique, confinement oblige. Voici donc une page de la psychanalyse du feu, c'est dans le premier chapitre. Écoutez comment, à la moitié du texte, il raconte le souvenir de son père qui faisait du feu dans sa chambre et comment le feu est devenu pour lui, finalement, une puissance paternelle. Le feu et la chaleur fournissent des moyens d'explication dans les domaines les plus variés, parce qu'ils sont pour nous l'occasion de souvenirs impérissables, d'expériences personnelles simples et décisives. Le feu est ainsi un phénomène privilégié qui peut tout expliquer. Si tout ce qui change lentement s'explique par la vie, tout ce qui change vite s'explique par le feu. Le feu est l'ultra-vivant. Le feu est intime et il est universel. Il est plaisir pour l'enfant assis sagement près du foyer. Il punit cependant de toute désobéissance quand on veut jouer de trop près avec ses flammes. Quand j'étais malade, mon père faisait du feu dans ma chambre. Il apportait un très grand soin à dresser les bûches sur le petit bois, à glisser entre les chenelles à poignées de copeaux. Manquer un feu eût été une insigne sottise. Je n'imaginais pas que mon père pût avoir d'égal dans cette fonction qu'il ne déléguait jamais à personne. En fait, je ne crois pas avoir allumé un feu avant l'âge de 18 ans. C'est seulement quand je vécus dans la solitude que je fus le maître de ma cheminée. Mais l'art de tisonner que j'avais appris de mon père m'est resté comme une vanité. J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et le feu flambe ce matin, il nous réunit, vous, chers auditeurs, bien sûr, mais aussi mon invité Vincent Bontemps, qui est à distance, comme tous les invités désormais, hein, depuis le début du confinement. J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin. Il y a quelque chose de touchant, mais plus encore, je crois, au récit que Bachelard fait ici de son père qui fait du feu dans sa chambre quand il était enfant. Il y a quelque chose de vraiment fondateur dans sa propre approche et sa propre réflexion du feu, n'est-ce pas ? Ah oui, on trouve cet aspect d'homme pratique, hein, qui dit qu'il préférait n'être pas en forme quand il donne son cours de philosophie à la Sorbonne, plutôt que de rater un acte technique pour lui chargé d'autant d'affectivité. Et puis on trouve cette profondeur affective qui est, il faut bien souligner qu'il y a un grand contraste entre les œuvres épistémologiques de Bachelard, où il dit « nous », où il traite d'expériences objectives, ou même il célèbre la science précisément parce qu'elle désubjective, hein, elle nous oblige à quitter notre partialité et à rentrer dans l'universel. Bon, et puis les textes qu'il écrit sur l'imaginaire, sur la poésie, où il dit « je ». Il dit « je » et il livre, pas souvent, mais il livre quelquefois des expériences intimes cette fois-ci. Mmh. Et il n'y a pas moins de profondeur dans l'une que dans l'autre. La formule poétique vaut la formule mathématique dans son propre domaine, et elle nous donne accès là à ce que j'évoquais, c'est-à-dire un complexe. Ce complexe qui retient, à travers l'image de la flamme, l'image du père, de l'autorité, une autorité bienveillante, puisque son père fait du feu dans sa chambre parce qu'il doit garder le lit, parce qu'il est confiné, parce qu'il est malade, hein, Bachelard, c'est un souvenir d'enfance de petit garçon malade qui doit garder le lit, et comme une attention particulière, son père monte dans ce cas-là pour faire du feu dans sa cheminée. Donc attention bienveillante, autorité qui vient renforcer finalement un interdit social qui est un interdit de prudence, qui est que finalement on laisse toujours, en tout cas dans sa génération, un petit enfant se brûler une fois avec la flamme, pour qu'il apprenne une fois pourquoi on lui dit qu'il ne faut pas s'approcher de cette chose aussi jolie et aussi séduisante qu'est le feu. Hein. Et interdit social néanmoins qu'il va falloir enfreindre. Et c'est ça le complexe qui vient prendre le nom de complexe de Prométhée. C'est un complexe qui autorise la transgression. La transgression à droite, entendons-nous bien. L'interdit social... À droite, la transgression à droite, en un mot, à droite. Oui, vous êtes bien le refaire remarquer, oui, transgression habile, oui, agile, agnis, et à la même racine que agils. Hein, donc, on est enflammé et on est agile, ça la même, en indo-européen, ça vient de la même, ça la même racine. Et oui, c'est l'adresse qui permet de transgresser une règle pour l'améliorer. Alors, il y a des, des souvenirs qui sont livrés peu après ce premier souvenir, qui sont de voler les allumettes et de s'en aller dans la nature pour faire une école buissonnière du feu, c'est-à-dire faire un feu dans la nature. Mais ce qui est important, tout comme ça l'est dans une maison, hein, c'est l'adresse avec laquelle on manipule le feu. Parce que le feu, c'est un danger. L'interdit social est aussi pour empêcher qu'on foute le feu à la maison. Mmh. C'est-à-dire l'incendie domestique est la grande crainte de l'humanité. Elle accompagne, je veux dire, la reconnaissance vis-à-vis du feu jusqu'au XXe siècle aussi. Hein. Donc, y a quelque chose dans cet interdit social qui est parfaitement justifié. Et pourtant, son père, donc, a le privilège du feu, mais il y a nécessité pour l'enfant, à partir d'un certain âge, de transgresser la loi de façon à droite, c'est-à-dire sans se faire prendre, mais aussi sans foutre le feu à la forêt, c'est-à-dire de montrer sa maîtrise du feu. Oui. Et l'idée que c'est une désobéissance qui nous permet de prouver qu'on est vraiment maître et responsable, c'est quelque chose de très profond que Bachelard met comme une compréhension aussi, comme un signe pour le pédagogue, hein, le fait qu'on n'est pas là pour apprendre uniquement à des règles aux enfants. On est là aussi pour surveiller la façon dont ils apprennent à se défaire des règles, et ils se défont à condition qu'ils se défassent des règles pour aller au-delà, pour faire mieux, pour apprendre plus que nos pères, mieux que nos pères, dit-il, hein, plus que nos maîtres, mieux que nos maîtres. Et c'est pour ça que la recherche scientifique est finalement classé sous le signe de Prométhée et d'une transgression à droite. Alors nous aurons peut-être le temps de revenir sur le symbole de Prométhée plus tard, car il est extrêmement riche. Non mais dites-nous justement, rappelez-nous déjà qui est Prométhée et pourquoi il est si important pour Bachelard. Alors, donc Bachelard appelle ce complexe de la transgression à droite qui fait qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de faire ce qu'il sait déjà faire, mais qui va aller au-delà de ce qu'on lui a appris à l'école et qui va modifier le savoir qu'il a reçu pour le porter plus loin, eh bien, il le met sous le signe de Prométhée. Et Prométhée, c'est un titan, et c'est un titan qui a un lien très particulier avec l'humanité. Il est relié à des histoires de feu depuis le départ, notamment parce que chez Hésiode, qui nous en livre la première version de cette histoire, en tout cas celle qui nous est parvenue, la première version écrite, entendons-nous, Prométhée est un titan assez malicieux, ce que les anthropologues appellent, les mythologues appellent un trickster, un peu comme Loki, un peu comme chez nous Renard dans le roman de Renard. C'était un personnage qui est entre les hommes et les dieux et qui fait des farces et qui change les choses. Et donc Prométhée, ce qu'il fait, c'est qu'il trompe Zeus à de multiples reprises et pour, on va dire, le bénéfice de l'humanité. Mm-hmm. Il le trompe notamment lors du partage des offrandes. C'est-à-dire, on devait savoir, quand on sacrifiait un bœuf à Zeus, quelle est la part qui revenait aux hommes, quelle est la part qui revenait aux dieux, et Prométhée a caché les os sous la graisse pour faire paraître cette part très appétissante en mettant les bonnes chairs de viande sous une peau qui n'était pas reluisante. Et Zeus, qui n'est qu'à moitié dupe, choisit la part avec la graisse et les os. Et donc, à partir de ce moment-là, les hommes feront brûler la graisse et les os pour que la fumée monte aux dieux et mangeront la viande. Hein, ça tombe bien. Et Zeus, en représailles de ça, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Il les prive de la foudre. Les hommes récupéraient le feu à partir de la foudre qui avait enflammé tel ou tel arbre. Et il n'envoie plus la foudre. Et à ce moment-là, Prométhée fait l'acte pour lequel l'humanité est en dette vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'il va voler le feu auprès de Zeus. Et là, j'attire votre attention, Prométhée n'est pas celui qui apprend aux hommes à faire du feu. Hein. Prométhée est celui qui va chercher une parcelle de feu dans l'Olympe et qui la ramène dans une plante qui s'appelle la férule, il me semble, qui est une sorte de fenouil géant, et qui a cette particularité qu'elle a un cœur très très sec et dense, et et que sur les bords, en revanche, elle est assez humide, hein, un peu comme le fenouil. Hein. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, il a évidé cette plante et il a mis des braises à l'intérieur et il s'en est servi comme un portefeu. Et on sait en fait par des voyageurs que c'est en effet un acte technique qui a existé et qui a perduré jusqu'au XVIIIe siècle que d'utiliser cette plante comme portefeu plutôt que d'avoir un briquet et de rallumer. Bon, et il ramène ça aux hommes. Et il va être puni pour ça. Hein. Et il va être puni, vous savez, il sera mis sur une montagne et enchaîné à une montagne et l'aigle de Zeus viendra lui dévorer le foie chaque jour. Voilà. Et donc ça, c'est un mythe dont chacune des parties, il y a aussi l'histoire de Pandore qui est liée, mais je laisse ça de côté, chacune des parties compose un motif assez fort. Et ce que fait Bachelard, c'est qu'il isole le motif du vol. C'est-à-dire, le vol du feu ou le vol de l'aigle? Le vol du feu. C'est-à-dire, le vol de la partie transgression lui semble la partie la plus signifiante du mythe. Et dans cette partie, je disais, le fait qu'il n'ait pas gardé ni la partie ruse qui justifie qui motive le vol, ni la partie châtiment, mais qu'il ait gardé que cette partie, je trouve ça très signifiant dans le fait que l'humanité n'est pas en recherche pour compenser une injustice. Et elle n'est pas condamnée non plus, quand elle fait progresser le savoir, à être punie. Chez Bachelard, l'humanité, en revanche, est en recherche de savoir parce qu'elle a le goût pour cette transgression qui est un vol par rapport à une autorité politique arbitraire, qui est celle de Zeus, par rapport à cet interdit social. On fait comme ça, pas autrement. Eh bien, le chercheur, l'inventeur, c'est celui qui dit « Ah non, mais il y a une meilleure façon de faire. J'ai trouvé une meilleure façon. » Et là où c'est, je disais, signifiant pour notre époque, c'est que c'est sur le feu, sur le symbole de l'utilisation de l'énergie. Et qu'est-ce qu'enseigne Prométhée ? Prométhée, il nous enseigne à emporter le feu dans une plante, de façon à ce que à conserver la combustion la plus faible possible. C'est-à-dire, le feu ne doit pas s'éteindre, mais il ne doit pas se propager, ni provoquer d'incendie, ni enflammer le monde, ni provoquer sa destruction. Prométhée n'est pas un incendiaire. Prométhée est celui qui nous apprend la maîtrise de la puissance. C'est ça. Hein, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera jusque dans ses derniers écrits, hein, c'est-à-dire dans le livre qui va apparaître sous le nom « Fragment d'une poétique du feu » édité par sa fille. Il est encore en train de dire que Prométhée est une grande image par cette maîtrise de la puissance et que l'humanité doit d'autant plus la cultiver que précisément on a quitté le monde des cheminées pour entrer dans le monde de l'ère atomique. Mmh. Et donc il y a quelque chose de très très puissant dans la méditation de Prométhée. Le phénix est l'être de la double fable. Il s'enflamme de ses propres feux, il renaît de ses propres cendres. Il nous faudra tenter de vivre ce double miracle, nous qui ne croyons plus à ce que nous imaginons. Puisqu'on a cru au phénix, il faut y croire un peu pour le connaître comme il a été connu. En phénoménologue, il me faut croire à une image incroyable, sans toutefois verser dans la crédulité. Les poètes nous aideront par de subtiles variations d'images à mettre en vie l'oiseau légendaire. C'est précisément par l'adhésion à l'être poétique de l'image qu'on peut réaliser cette fusion de l'enthousiasme et de la prudence. Admirer devient alors un substitut de croire. On ne croit pas à un être vrai, on croit à un être du langage, à un être du langage majoré, à un être poétique. On est entré, avec le phénix imaginé par un poète, dans le pur règne du poétique. Bachelard emploie de nombreuses figures et métaphores dans la psychanalyse du feu. Vous avez développé le complexe de Prométhée tel qu'il figure dans ce texte, Vincent Bontemps. On trouve aussi le complexe d'Empédocle, on trouve le complexe de Novalis et on trouve cette importance du phénix. Et je vous propose qu'on s'arrête un instant sur ce phénix qui est l'exemple même de la double fable, nous dit Bachelard. À la fois, il s'enflamme de ses propres feux et en même temps, il renaît de ses propres cendres. Qu'est-ce que la figure même du phénix nous apporte de plus sur la connaissance du feu qui nous manquait avant, Vincent Bontemps? La symétrie, le complémentaire est quelque chose qui est la connaissance, cette fois-ci, de cet autre versant, le versant poétique. Parce que si Prométhée, le complexe de Prométhée, l'image de Prométhée demeure une image méditative extrêmement importante pour penser la recherche, la science, la rationalité, la technique, tout ce qu'on veut. En revanche, le phénix, c'est l'image de la poésie. C'est la métaphore de la métaphore. Bachelard le dit, il y a d'autres êtres mythologiques qui ont perdu beaucoup de leur valeur pour nous. Ah, Vincent Bontemps. Je crois qu'on... Ah non, vous voilà, c'est bon. On n'a pas autant d'attachement à la madriade ou à la manticore ou que sais-je. Oui. Non, on vous a perdu l'espace d'un instant, mais vous êtes revenu. Donc, je vous en prie. Je pense que, genre, je disais que le. D'accord. Eh ben, je disais que le phénix a un privilège parmi les créatures mythologiques. C'est celui d'être l'être renaissant, la métaphore de la métaphore, parce que précisément, une belle métaphore, c'est quelque chose qui ne va pas être dévalué à travers son usage, galvaudé au point de devenir un mot comme un autre. Vous connaissez sans doute cette théorie qu'on trouve chez Paul Valéry et chez d'autres, qui a été beaucoup travaillée par Paul Ricoeur dans la métaphore vive, où il dit bon, il y a des choses qui ont commencé, des mots qui ont commencé, des expressions qui ont commencé comme des métaphores, puis elles sont devenues du langage littéral, et c'est un peu comme une pièce de monnaie qui serait si usée qu'on n'en connaît plus l'origine. Ça vient de Nietzsche, ça vient de Valéry, ça vient de plein de gens qui ont cette conception. Bah, le phénix est précisément la métaphore qui résiste à cela, et qui en est, et qui est donc la métaphore de la métaphore, puisqu'il raconte cette histoire, quelque chose qui se consume, mais qui renaît de ses cendres. Bachelard dit ainsi que, on a, quand on se promène dans la nature, si on voit un héron survoler les eaux à pleine vitesse au ras et traverser le reflet du soleil, à ce moment-là, on a immédiatement une espèce de décharge poétique où on comprend l'utilité de l'image de l'oiseau de feu. Mm-hmm. Et il y a d'autres choses, c'est pas un hasard non plus si très souvent, il y a eu des revues de poésie qui se sont appelées le phénix. C'est-à-dire que le phénix, c'est ce qui, plus que encore l'espoir religieux de la résurrection, porte cet espoir que nous plaçons dans le langage quand nous sommes dans une attitude poétique, de trouver dans les mots davantage que l'usage littéral des mots, d'y trouver l'élévation poétique et de renaître au plaisir de goûter le monde à travers le langage. Et de cela, le phénix est porteur. Donc c'est le complexe qui est aussi important que Prométhée, mais cette fois-ci du côté de la poésie. Je vous propose, Vincent Bontemps, on peut continuer à décliner hein, les complexes, on y reviendra sans doute, mais je vous propose quand même de faire un détour par un passage qui est très important dans la psychanalyse du feu et qui permet d'envisager une autre dimension du feu, pas simplement le feu qui brûle dans la cheminée, ni celui qui peut dévorer, ni celui que Prométhée va dérober, ni celui qui détruit et puis ensuite, à travers les cendres, permet au phénix de renaître, mais le feu, l'eau qui flambe, le ponche, comme dirait Bachelard. C'est-à-dire que finalement, l'eau de feu, c'est-à-dire l'alcool, qui tient une place très importante aussi, surtout quand on est près de la cheminée, nous dit-il, peut-être aussi quand on est en plein confinement. Voici donc un extrait de cette eau de feu, c'est dans le chapitre 6 de la psychanalyse du feu, c'est un texte lu par Vincent Schmitt. Aux grandes fêtes d'hiver, dans mon enfance, on faisait un brûlot. Mon père versait dans un large plat du marc de notre vigne. Au centre, il plaçait des morceaux de sucre cassé, les plus gros du sucrier. Dès que l'allumette touchait la pointe du sucre, la flamme bleue descendait avec un petit bruit sur l'alcool étendu. Ma mère éteignait la suspension. C'était l'heure du mystère et de la fête un peu grave. Des visages familiers, mais soudain inconnus dans leur lividité, entouraient la table ronde. Par instant, le sucre grésillait avant l'écroulement de sa pyramide. Quelques franges jaunes pétillaient au bord des longues flammes pâles. Si les flammes vacillaient, mon père tourmentait le brûlot avec une cuillère de fer. la cuillère emportait une gaine de feu comme un outil du diable. Alors on théorisait, éteindre trop tard, c'est avoir un brûlot trop doux. Éteindre trop tôt, c'est concentrer moins de feu et par conséquent diminuer l'action bienfaisante du brûlot contre la grippe. L'un parlait d'un brûlot qui brûlait jusqu'à la dernière goutte. Un autre racontait l'incendie chez le distillateur, quand les tonneaux de rhum explosaient comme des barils de poudre, explosion à laquelle personne n'a jamais assisté. À toute force, on voulait trouver un sens objectif et général à ce phénomène exceptionnel. Enfin, le brûlot était dans mon verre, chaud et poisseux, vraiment essentiel. Après un tel spectacle, les confirmations du goût laissent des souvenirs impérissables. Pour un buveur de brûlot, comme elle est pauvre, comme elle est froide, comme elle est obscure, l'expérience d'un buveur de thé chaud. C'est amusant que ça se termine avec cette expérience d'un buveur de thé chaud qui semble bien loin que le buveur de brûlot. Quelle place tient l'alcool dans la pensée de Bachelard? J'ose pas demander dans sa vie parce que je sais pas si on a des éléments. En tout cas, on n'a pas trouvé d'archives où il parlait lui-même directement de l'alcool, mais enfin, il consacre quand même ses pages à cette question dans la psychanalyse du feu, Vincent Bontemps. Ah si, je pourrais vous indiquer quelques bonnes pages. Il y en a une dont je me souviens. Je me demande même si c'est pas dans la politique de l'espace. Faudra demander. Ah oui, dans des archives qu'on n'a pas trouvées, des textes on en a trouvé. Ah voilà, il y a des textes où il avoue que sa collègue psychanalyste à la Sorbonne lui dit que son obsession pour les miniatures et les lilliputiens est tout à fait caractéristique des troubles de l'alcoolisme. D'accord. Et il nous livre ça comme ça. Bon, il y a des choses chez Bachelard buvait, il aimait boire. Il venait d'une famille d'abord de Champagne, hein, donc c'est quelqu'un qui a l'accent bourguignon, mais qui appartient en fait à cette frange de la Champagne où il y a encore l'architecture et l'accent bourguignon, et qui est donc à cheval entre deux des vignobles les plus connus de France. Et son père, d'ailleurs, même si ils étaient de conditions modestes, ils avaient un terrain avec quelques vignes. Donc ensuite, il a toujours aimé la compagnie des vignerons. Il était très ami avec un collègue qui avait du Gevrey Chambertin, vous excuserez du peu, quand il était à Dijon. Et on sait par Lescure, par exemple, Lescure qui ne buvait pas et qui était un de ses amis, qui lui a fait connaître des poètes, lui donnait ses tickets de rationnement pendant l'occupation quand il était à Paris. Bref, la boisson l'a accompagné une bonne partie de sa vie. Et d'ailleurs, dans la psychanalyse du feu, il y a quand même un assez long développement pour faire pièce à ce qu'il appelle la morale simpliste de l'anti-alcoolisme. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne méconnaît pas que c'est prendre des risques. Et d'ailleurs, ce qu'il va expliquer sous le nom de complexe de Hoffmann ou complexe du Punch, c'est précisément que l'alcool est quelque chose qui délie et qui donc peut avoir un usage bienfaisant, parce que ça fait délirer et donc sortir des sentiers battus, et ça peut donner à la raison des chemins inédits, ça, oui, c'est vrai, et c'est ça qu'il trouve qu'on ne doit pas conspuer dans l'alcool. Et en même temps, il ignore pas qu'en fait, ça emmène à la dérive et ça peut amener à des conduites vers la mort, vers des départs pour des voyages sans retour. C'est précisément pour ça qu'il illustre ça par des contes d'Hoffmann où des gens pris d'ébriété se lancent dans des aventures inconsidérées et finalement ils laissent leur peau. Donc Bachelard a simplement une attitude, on va dire, dialectique plus complexe qu'une condamnation simple de l'alcool. Il dit non, l'alcool, ce n'est pas un breuvage diabolique, c'est quelque chose qui renvoie à Bacchus, qui est un grand et un bon dieu, mais c'est aussi quelque chose qui est une fréquentation du danger. En cela, il s'inscrit dans une tradition philosophique finalement assez nombreuse, de gens qui développent ce que j'appelle des éthiques éthyliques et qui, depuis Platon, ont une réflexion par rapport à la prudence et à la ligne de conduite qu'on doit avoir envers l'alcool et la manière dont ça doit nous apprendre la maîtrise de soi. Alors, dans son œuvre, l'éthique éthylique, du coup, c'est vous qui avez inventé l'expression. Oui, je travaille là-dessus. Je vous en parlerai quand ça sera un peu plus mûr. Avec plaisir. Je vois que ça vous intéresse. mais oui, on trouve ça chez beaucoup de philosophes. Mais restons sur Bachelard aujourd'hui. Et chez Bachelard, il en parle à toute occasion. Je veux dire, il en parle dans La psychanalyse du feu, l'eau de feu. Mais il reparle de l'eau de feu dans L'eau et les rêves. Bah oui, c'est l'eau, donc l'eau de feu. Et puis, il va parler de la vigne, parce que dans les livres sur la terre, parce que la vigne est fille de la terre. Donc en fait, à toute occasion, on voit que c'est quelque chose qui compte pour lui et qu'il travaille avec énormément de nuances, de subtilités, en mettant différentes figures d'alcool. Et d'ailleurs, on peut apprendre des choses sur Bachelard, parce qu'on apprend donc il boit et qu'il a une culture du vin essentiellement, mais une réflexion sur l'alcool. On voit aussi qu'il ne fume pas, parce que dans La psychanalyse du feu ou dans aucun de ses écrits, il y aura quelque chose sur les avaleurs de feu ou les gens qui mettent de la fumée dans leurs poumons et tout ça. Non, ça l'intéresse pas du tout. Et il ne rentre pas dans des choses qui seront développées par la poésie beatnik ou des choses qu'il aurait pu connaître même s'il était à la fin de sa vie. Non, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le feu liquide. Oui, c'est ça qu'elle fout dans l'alcool. Poétique. C'est la rencontre entre le liquide et le feu, en fait. C'est comme du feu liquide. Pour quelqu'un qui s'intéresse aux éléments, c'était assez fascinant. Ah oui, non, mais on comprend sa fascination. Et puis pour toute personne qui a bu, en plus, on ressent des choses profondes quand il en parle. Il y a une phrase absolument sublime. Je crois que c'est dans la poétique de la rêverie, mais je suis pas sûr à 100%, où il dit, c'est peut-être dans les livres sur la terre, bon, peu importe, il dit « On croit que je bois, je me souviens ». Et comment ne pas s'imaginer soi-même un verre de vin à la main, pris dans une remémoration ou une rêverie, une réminiscence, voilà le mot que je cherchais. Et on dit, oui, bien sûr, il y a des choses qu'on cultive et qui nous ramènent à des choses profondes. Là, en l'occurrence, nous avions le brûlot, avec une caractérisation festive, un peu mystique au sens des mystes, hein, de initiatiques, et puis l'ironie qui s'en mêle, parce que il nous fait bien remarquer que cette magie, elle amène des gens à théoriser, avec des guillemets autour de théoriser, c'est-à-dire à dire des choses, il faut pas que ça brûle jusqu'à la dernière goutte, ou le feu c'est pas assez concentré, des choses qui n'ont aucun sens scientifique, mais qui sont précisément des métaphores pour donner sens au goût, au rituel. Et puis ça s'émaille ensuite d'anecdotes complètement fausses. Je veux dire, nous qui sommes confinés, on a vu passer des gens qui théorisaient, disaient des choses complètement fausses, ramènent des fake news. Vous voyez, en fait, c'est un penchant d'humanité, même dans les choses joyeuses. Il y a les choses qui nous font peur, nous amènent à ce comportement, mais dans les choses, nous avons tous envie d'élaborer des théories avec des guillemets autour pour enrober les phénomènes d'une magie, d'un réconfort, du plaisir de contribuer par des anecdotes frappantes qui frappent l'imagination. Et en quelque sorte, c'est peut-être dans le monde de l'enfance, du souvenir familial, ça ne prête pas à conséquence. Mais c'est quand même quelque chose sur lequel l'ironie de Bachelard nous alerte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est ni la science, ni la vraie poésie. C'est quelque chose qui est précisément de l'ordre des habitudes qu'il faut contrôler. C'est un peu comme l'alcool. C'est quelque chose qui peut tourner à la mauvaise habitude de tolérer, d'utiliser les lieux communs et la fausse magie et bien sûr les faits inventés. Parce que ça peut amener aussi à influencer le jugement, les décisions. Et donc, de ce fait, dans ce passage-là, il y a quand même une épistémologie qui est une critique qui amène à porter davantage d'exigence, et d'existence aussi, aussi bien aux faits scientifiques qu'aux faits poétiques, et à ne pas se laisser retomber dans cette roue libre du langage et du sens commun, qui crée une magie à bon compte, mais qui n'a pas grande utilité. Alors, en l'occurrence, là, le brûlot, on voit bien tout l'attachement, on voit bien que tout l'intérêt qu'il y a au cœur de l'hiver de célébrer de façon un peu solennelle, c'est ce que nous faisons tous, hein, au cœur de l'hiver, toutes les religions, toutes les cultures non religieuses aiment célébrer et se sentir autour et utiliser l'alcool pour ça, pour ce qui est de notre civilisation. Mais ça ne devient pas une règle générale. Le fait de croire que ça nous donne une clé de compréhension du monde, là, bien sûr, c'est une erreur. Oui, mais peut-être qu'il faut distinguer, comme le fait Bachelard, l'image du vin de celle de l'alcool en général. D'ailleurs, dans la citation que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on trouve dans le droit de rêver, en fait, ce verre de vin pâle, frais, sec, met en ordre toute ma vie champenoise, on croit que je bois, je me souviens, il parle bien du vin pâle, frais, sec, et qu'il distingue sans doute ici de l'alcool plus fort. Totalement, et qu'il distingue aussi le régime par lequel on cultive le vin, permet un usage de la métaphore qui, pour le coup, élève l'âme. Parce qu'il fait remarquer qu'il y a des auteurs qui, parce qu'ils ne sont pas des œnologues ni des vrais connaisseurs de vin, mélangent les adjectifs au bonheur, la chance, au petit bonheur, et ça donne n'importe quoi. Il relève, je ne sais plus si c'est Eugène Sue ou quelqu'un d'autre qui parlait d'un vin sec et velouté. Il fait non, un vin est sec ou velouté, il n'est pas sec et velouté. C'est n'importe quoi. En revanche, il dit, et tous les gens qui aiment goûter le vin et qui ont plus de vocabulaire que moi, savent tout l'intérêt qu'il y a à distinguer les notes du vin. Et Bachelard parle de cet étagement vertical. Et quand quelqu'un vous dit « sentez la note de poivre, sentez sur la fin du vin, il y a quelque chose qui va vous évoquer tel fruit. Enfin, » bon, voilà. Il peut y avoir dans la décomposition du bouquet d'un vin et puis de ces... Cette composition verticale où l'usage poétique du langage, l'usage métaphorique, permet au contraire un approfondissement qui est aussi un approfondissement de connaissances. Oui. Donc il y a des usages qui permettent de conjuguer la pertinence poétique et l'approfondissement, je veux dire, cognitif d'un phénomène. Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, ça se produit dans les deux sens. C'est-à-dire dans la poésie, il peut y avoir quelque chose réfléchissant justement à la relation profonde et quasi psychanalytique des images, fonde des métaphores qui nous éclairent sur le sens de l'existence. Et puis, dans la science, le fait de choisir tel ou tel terme pour désigner, un concept mathématique, par exemple, est loin d'être contingent, arbitraire et dénué de conséquences. Hein. Moi, j'ai écrit un livre avec Roland Lehoux qui c'est sur les idées noires de la physique, dans lequel je soulignais que le choix de l'adjectif noir ou sombre ou d'autres termes pour nommer et qualifier les phénomènes scientifiques était au contraire très lourd de conséquences et oui. Demandait de la responsabilité, de la subtilité. Donc en fait, vous avez raison de ne pas me laisser condamner certains mélanges impurs et des cocktails trop forts qui dissimulent leur alcool et d'en revenir à ce qui peut nous élever, c'est-à-dire la culture et ce que Bachelard met au plus haut point dans la culture du vin. C'est-à-dire là, il y a au contraire un langage à apprendre pour mieux goûter, pour mieux célébrer l'expérience que propose un alcool qui est anobli, on va dire, par la tradition. Et voilà. Oui, merci pour toutes ces précisions. Et merci d'ailleurs, on arrive au terme de notre discussion. On va se quitter avec un dernier son. Et alors, c'est une suggestion de votre part. Donc avant de l'entendre, déjà je renvoie à vos ouvrages. Donc la nouvelle édition critique du Nouvel Esprit Scientifique de Bachelard au PUF. Vous avez dirigé l'ouvrage Bachelard et l'avenir de la culture, du surrationalisme à la raison créative. Vous venez de citer le livre coécrit avec Roland Lehoucq, Les idées noires de la physique, c'est aux éditions Les Belles Lettres, ainsi qu'une monographie sur Bachelard, toujours aux éditions Les Belles Lettres, Vincent Bontemps. Vous avez proposé d'écouter ensemble cette chanson de Nita Jo qui s'appelle « J'ai soif ». Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Elle date de 1936. En quelques secondes. J'ai choisi cette chanson. Ouais, j'ai choisi cette chanson parce qu'elle était contemporaine de la rédaction de la psychanalyse du feu et parce qu'elle donne une idée de l'environnement culturel dans lequel Bachelard évoluait. Alors, c'est ce qu'on appelait la chanson réaliste. Dans la chanson réaliste, il y a des lieux communs, des topos qui sont repris. Et celui de la femme de petite vertu avec un certain penchant pour la boisson en fait partie. C'est traité ici avec un certain humour. Il faut se replacer dans le contexte. Je dirais pas que c'est une image que je sais pas si ça se chanterait de nos jours, voilà. Mais bon, on va l'écouter parce que sinon on n'aura plus le temps de l'écouter. Voilà. Merci. Exactement. Vincent Bontemps. Ça pique un peu. Et alors allons-y. Ça pique, c'est bien de terminer comme ça. Merci Vincent Bontemps. Au revoir Adèle, au revoir à tous. Que fut sa vie, nul n'en sait rien. Mais chaque soir, chaque matin, elle est collée contre le zinc, les yeux qui brillent. Lorsqu'au bistrot rentre un client, vers lui c'est d'un air souriant